La chanson, dans le dernier couplet, je passerai sûrement pour un con. Sors de ma vie, sors de ma tête. Aujourd'hui je vis comme une marionnette. Ces souvenirs qui défilent chaque jour dans ma tête. Je tourne, je tourne. Sors de ma vie, sors de ma tête. Toi et moi on puisse être unis par ce lien qui nous unit, qui nous construit, qui nous sépare au final. Deux êtres qui se déchirent, ça n'a plus rien d'original. Tu peux partir et être libre, ne t'est-ce pas ce que tu voulais? Emporte donc avec toi tes manigances et mon respect. Parle-moi, ce n'est pas grave, c'est mon cœur saigne. Car au final, deux êtres qui se séparent, ça n'a plus rien d'original. Sors de ma vie, sors de ma tête. Aujourd'hui je vis comme une marionnette. Ces souvenirs qui défilent chaque jour dans ma tête. Je tourne en rond, je tourne en rond.